Au Japon, il y a une chasseuse de cartes. Les cartes de Clo, elle les cherche dans sa région. Elle cherche si des fois y en a pas sous le pingouin. Puis des fois si Yukito en a pas une chez lui. Sakura Kinomoto, c'est son nom, avec sa copine Tomoyo, qui passe son temps à la filmer en action. Sakura, une magique allure et sont chouette, qui vit autour de plein de gens bizarres. Et même ses filles, toi, pas être nette. Sakura! Son grand frère l'embête tout le temps, on ne sait pas pourquoi. Mais elle a des vues sur le pote de son frère. Mais Tomoyo en a sur Sakura. Et puis Shaolin d'entre elle et Yukito. Sakura Kinomoto, c'est son nom, avec son ami Yukito, qui est aussi un gardien des clocards. Sakura, une magique gueule qui a une peluche, qui est Robert le lion mégalo, qui sera un vrai monstre avec les cartes. Sakura. Avec les cartes Windy, Jump, Fly, Sword, Shield et Water, Thunder, Mirror, Illusion et puis Shippa. Y'a trop de cartes. Sakura Kinomoto, c'est son nom. Héroïne prépubère et drôle, qui mélange ses histoires avec des cartes. Sakura, une magique gueule qui change de fringue. Mais dit Tomoyo, évidemment, décidément c'est un truc de ouf. Sakura Kinomoto, c'est son nom, avec sa copine Tomoyo, qui passe son temps à la filmer en action. Sakura, une magique à cœur récente et chouette, qui vit autour de plein de gens bizarres. Et même ses filles, elle doit pas être nette. Sakura.